Les nuits devant l'écran, je vois défiler des vies parfaites. Mais moi je suis là à scroller comme si ça calmait la tempête. Je compte les heures, mais le sommeil m'évite encore. Je rafraîchis la page comme si je pouvais changer mon décor. On s'envoie des messages qu'on lit sans répondre. On parle fort en ligne, mais en vrai on devient des ombres. Je me dis qu'il faut couper, mais je me perds dans le flux. L'écran me tient, je le sais, mais je repousse encore la vue. Nuit sur écran, je me perds dans la lumière. Tout va trop vite, mais rien m'aide à voir clair. Nuit sur écran, je fais que suivre les ombres. La réalité s'efface quand la lumière sombre. On vit des vies qu'on publie sans les ressentir. On se compare à des gens qu'on ne pourra jamais devenir. On veut plaire, on veut briller, mais on se perd plus qu'on gagne. Le virtuel rassure, mais il piège comme une bagne. Je me dis qu'il faut sortir, voir les rues, respirer l'air. Mais l'écran m'attrape et me garde prisonnier de la lumière. Je me mens à moi-même, je dis que c'est la dernière fois. Mais la nuit revient et je retombe dans les mêmes choix. Nuit sur écran, je me perds dans la lumière. Tout va trop vite, mais rien m'aide à voir clair. Nuit sur écran, je fais que suivre les ombres. La réalité s'efface quand la lumière sombre. Nuit sur écran, je me perds dans la lumière. Tout va trop vite, mais rien m'aide à voir clair. Nuit sur écran, je fais que suivre les ombres. La réalité s'efface quand la lumière sombre. Je ferai mieux demain, c'est ce que je dis chaque soir, mais pour l'instant, je reste coincé dans l'écran.